J'ai vu une émission passionnante sur la cinquième aujourd'hui, qui parlait finalement de l'art dans le néolithique. Mais ça débordait un peu. L'art, enfin l'art, en fait les grands tumulus, les alignements de menhirs, et ce genre de choses. Alors c'était assez passionnant. J'en ai retiré quelque chose. Enfin, je m'en souviens, je me souviens de plusieurs choses qui m'ont intéressé. Alors d'une part, le paléolithique, lors du paléolithique, l'homme est encore un chasseur-cueilleur. Voilà. Donc finalement, à l'état de nature, finalement, d'une certaine manière, dans de petits clans. Et le néolithique qui suit, c'est en fait l'avènement de l'agriculture. Alors le début des outils, ou bon. Mais ce n'est que le début, parce qu'ensuite, il y a l'âge de bronze et l'âge de fer, qui donc suivent le néolithique, ou sont peut-être des subdivisions, je ne sais pas bien, mais je pense que c'est la suite. Alors, lors du néolithique, eh bien, on découvre l'agriculture. Finalement, c'est intéressant, parce qu'on a toujours entendu parler de l'agriculture comme une révolution positive, qui serait le fruit du développement intellectuel de l'homme. Tout à coup, il aurait suffisamment, il y aurait la petite étincelle qui fait que de même qu'on découvre le langage, ben on découvre l'agriculture. Et puis, finalement, je n'avais jamais remis cette théorie en cause. Et pourtant, finalement, quand on y pense bien, le langage, c'est aussi une nécessité. Donc c'est le fruit d'une contrainte. Alors certes, on a pu le développer, on a eu cette chance, etc. Mais tout répond quand même à des contraintes, puisque l'homme a été pendant une très très... En fait, le paléolithique a duré très longtemps. Le néolithique, c'est une révolution à l'échelle de l'humanité. Donc c'est assez court finalement. C'est une transition vers le monde civilisé, hein, entre guillemets, que l'on a aujourd'hui. Eh bien, peut-être que ce besoin de passer à l'agriculture, d'une part, a engendré des bouleversements que l'on supporte mal, et d'autre part, ça n'est peut-être pas juste le fruit d'une évolution positive, mais tout simplement la réponse à un stress, à une contrainte sur l'espèce humaine. Par exemple, d'après l'émission, les bouleversements climatiques ont fait que les grands animaux ont disparu, les grands mammifères. Je crois que c'est un peu... bon, c'est la fin des mammouths, par exemple. Et ces grands mammifères étaient une grande source d'approvisionnement en nourriture. Quand il faut chasser des lapins, c'est très fatigant pour ce que ça rapporte. Donc, on estime que finalement, alors, que ce soit pour des raisons climatiques ou des raisons finalement, de la manque de gibier, puisque lié peut-être au développement de la race humaine, ça, c'était pas vraiment détaillé dans l'émission, finalement, il y a eu besoin de passer à l'agriculture pour s'assurer de ses moyens de subsistance dans un environnement où la nourriture du chasseur, eh bien, viendrait à disparaître. Alors, dans l'émission, ils ont beaucoup insisté sur le fait que ça transforme la vie des hommes, mais pas de façon positive. Ça, c'est assez passionnant. En fait, la chasse, elle a plusieurs avantages. D'une part, elle donne une occupation à l'homme. Une occupation, je vais oser dire le mot, saine. Saine, dans le sens qu'elle exploite au mieux toutes les ressources, à la fois physiques et intellectuelles, des hommes. Elle développe aussi le travail en équipe. Elle segmente énormément les individus, les hommes chassant et les femmes organisant le camp, s'occupant des enfants, cuisinant, enfin, toutes les conséquences. Et donc, c'est assez intéressant parce que elle organise la vie bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une société où, d'une certaine manière, en dehors du fait de mettre au monde les enfants, il y a plus de on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus du tout de différence entre les hommes et les femmes. Or, il y en a. Mais on est dans une société qui les nie. Bon, là, je dérive un peu. Alors, revenons à nos moutons. Donc, la société telle qu'elle était une société organisée et liée à la chasse, à la cueillette. Et donc, on ne peut pas passer simplement à une société vivant de l'agriculture sans qu'on ait d'énormes conséquences négatives, en fait. Alors, les conséquences négatives qui étaient décrites, c'est que l'homme, tout à coup, a une vie qui n'était vraiment plus passionnante. C'est-à-dire qu'avant, il partait à la chasse. Et ça, c'est vrai que c'est très excitant. C'est bon, on pourrait y réfléchir, mais enfin, c'est le jeu aujourd'hui. C'est vraiment la notion de jeu. Un joueur, il met en œuvre ses ressources physiques et psychologiques. Alors, physique, si c'est du sport. Psychologique, et ça peut être aussi des sports d'équipe, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une métaphore moderne de la chasse. Un substitut à la chasse. Alors, la vie, par contre, qui consiste à creuser des sillons, à défricher, à planter, à semer, elle devient affreuse, en fait. Elle perd tout son sel, elle perd tout son ce qui fait qu'on est des animaux ayant besoin de stimuli. Elle nous endort, enfin, elle nous convient pas. En plus, elle demande un long travail. Alors, on a souvent dit que l'agriculture avait affranchi les hommes de la dureté de l'existence, en leur donnant des moyens de survivre avec moins de travail, etc. En fait, c'est peut-être pas si simple d'après l'émission, encore une fois, parce que, en fait, si elle permet des moments de repos, elle implique aussi de longues périodes de travail intensif qui n'existaient pas au moment de la chasse. Au moment de la chasse, on était guidé par ses besoins, c'est-à-dire qu'on chasse, on a faim, on chasse. Si on a assez, on se repose. Tandis que là, avec l'agriculture, on commence à construire un système décalé. Il faut peut-être travailler pendant 6 mois assez dur pour ensuite, bon, se reposer. Mais l'homme n'est pas fait pour travailler dur pendant 6 mois et se reposer pendant 6 mois. Il n'a pas été sélectionné pour ça. Pendant des millions d'années, c'était pas ça. Et du jour au lendemain, ça devient ça, sa vie. Et ça lui convient pas. Alors là, on commence à toucher aux conséquences. Alors, il faudrait que je parle maintenant des fouilles archéologiques, parce que tout ça, ça a été, c'est relié aux tombes, finalement. Et aux tombes et aux temples, enfin, aux toutes les organisations, tout ce qui nous reste de cette époque. Alors, l'émission insiste beaucoup sur Karnak, à la fois les menhirs et les tumulus, ainsi que Stonehenge, en Angleterre, et puis des tumulus aussi en Irlande. On trouve d'abord des similitudes importantes entre les tumulus irlandais et bretons, donc on est presque persuadé, il y a eu des bijoux qui ont voyagé, c'est très intéressant. Il y a des haches, par exemple, qui viennent d'une région en Bretagne. Eh bien, ces haches, on estime que pendant des centaines d'années, elles ont été produites là au rythme d'une centaine par semaine. Donc c'est très intéressant, c'est une réelle industrie. Et c'est une industrie du néolithique. Par définition, puisque bon, avant, effectivement, les choses étaient beaucoup plus simples. Bon. On a aussi d'ailleurs trouvé des haches, en se dit en passant, qui venaient du nord de l'Italie. Des haches polies. Des haches tellement bien polies qu'elles ne servaient plus du tout à leur usage de base, mais elles servaient à orner la tombe des morts importants, des morts riches ou des chefs, je ne sais pas. Alors, le passage à l'agriculture aurait bouleversé la société et on le voit dans les tumulus également. C'est-à-dire que lors du paléolithique, Il existait quelques tumulus. Les tumulus existaient déjà, mais c'était une espèce de, pas de fosse commune, mais enfin, il y avait des pièces où on retrouvait beaucoup de squelettes. On retrouvait des ossements, alors il y avait des endroits où on retrouvait des ossements d'enfants, des ossements de femmes, et d'autres pièces avec les ossements d'hommes, etc. Donc c'était finalement une façon de vénérer les morts. Ou du moins, ça accordait de l'importance bien aux restes humains. Alors effectivement, on peut penser que c'est la religion déjà. Et dans le néolithique, eh bien les choses changent, les tumulus seraient plus, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Égypte, seraient plus les tombes de quelques grands personnages, très riches manifestement, étant donné tout ce qui était dans leur tumulus. Alors ça, c'est vraiment passionnant, parce que, effectivement, le passage à l'agriculture implique également le début de la propriété. Dans les sociétés de cueilleurs-chasseurs, on dit toujours chasseurs-cueilleurs d'ailleurs, il faudrait savoir s'ils étaient plus végétariens que carnivores, enfin bon. Dans ces sociétés-là, il n'y avait quasiment pas de possession. Peut-être quelques armes, bon, quelques bijoux tout simples, mais ça s'arrêtait là. Et avec l'agriculture, bien sûr, il faut posséder la terre. Il faut posséder la terre, et donc c'est vraiment. Ça, c'est le début d'un énorme bouleversement. Le début de la fin, même, on pourrait dire, mais enfin. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, je vais citer pêle-mêle des conséquences de tout ça. Eh bien, il faut. Alors, l'agriculture implique un long travail pendant certaines périodes, mais effectivement, beaucoup de temps libre durant d'autres. Eh bien là, c'est un peu le syndrome égyptien. Pendant ce temps-là, ben, on peut construire de magnifiques alignements de menhirs, on peut entasser, faire des tumulus, enfin, faire des choses magnifiques, comme Stonehenge, etc. Alors là, c'est un peu l'utilisation du temps libre. Mais alors, au service de quoi? En fait, on crée la religion s'est développée énormément, on pense à ce moment-là. En fait, c'est une hypothèse d'un chercheur, c'est que les ressources psychologiques qui ne sont pas, qui sont beaucoup moins sollicitées, les ressources intellectuelles, les ressources à tous les niveaux, qui sont beaucoup moins sollicitées par une vie d'agriculteur, eh bien, elles sont utilisées quand même à d'autres moments, mais pour autre chose que pour se nourrir, eh bien, pour mettre en place des règles de société, des religions, une certaine autorité, bon. Une société qui se structure en fait. Et ça, ça a des conséquences parce que tout à coup, effectivement, bah, la notion de pauvre, de riche apparaît. Du coup, et donc avec la propriété, il y a aussi la notion de territoire, donc de guerre, de domination, de bon. Alors voilà un peu l'enchaînement un peu. Et ça, c'est assez passionnant. Il y a aussi un phénomène qui a été central dans l'émission, c'est le rapport à la Lune. Parce que pendant longtemps, on estimait que les tumulus, ou même les alignements, tout ça, étaient liés au Soleil. Les tumulus, parce que souvent, il y avait des fenêtres, des soupiraux, qui laissaient entrer la lumière du Soleil, et que c'est toujours les fameux rayons du Soleil qui, au solstice d'été ou d'hiver, ou aux équinoxes, je ne sais pas, plutôt les solstices d'ailleurs, eh bien éclairaient le fond, la dalle, la pierre tombale au fond du tumulus. Alors, certaines, oui, c'est vrai, sont liées au Soleil, mais on aurait découvert, alors là c'est ce qui est plus nouveau, que la Lune a joué un grand rôle. Alors bon, jusque-là, difficile de dire. Alors il y a plusieurs symboles. On estime que certaines taches, enfin pas taches, mais certains motifs gravés dans la pierre seraient les motifs de la Lune, seraient les reliefs sur la Lune. Bon, c'était pas hyper probant à l'image, mais bon, c'est une hypothèse. En tout cas, par contre, des symboles de Lune. On voit des symboles dans le néolithique qui ressemblent à des triskels, qui seraient les ancêtres justement de la religion celte. Bon, c'est très intéressant. Et ça serait lié à la Lune. Alors, de plus en plus d'archéologues auraient montré qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, Il y a aussi des rayons de lune qui tombent au bon moment, à certains endroits, à l'intérieur des tumulus. Alors là, c'est déjà plus intéressant parce que si le cycle solaire bon, est assez simple, enfin simple, lié à l'année tout de même, alors la Lune, en dehors du cycle menstruel, eh bien, mensuel, eh bien, le cycle lunaire, il y a d'autres cycles lunaires, il y en a un qui serait tous les 18,6 années, donc une oscillation du mouvement de la Lune. Alors c'est très intéressant parce que effectivement certaines constructions sont adaptées à ce cycle et ne permettent par exemple aux rayons de lune de traverser certains alignements, certains soupiraux, que une fois tous les 18,6 ans, ce qui est quand même assez impressionnant quand on songe à ce que ça représente au niveau de l'expérience, de l'observation. Une forme de patience également, c'est assez troublant. Donc voilà en gros le mécanisme de voilà ce qui a pu être observé à propos de la Lune et du Soleil. Il y a ensuite, quand on voit de grands cercles avec des menhirs plantés autour en Angleterre, on est assez enfin, surpris de voir qu'en fait, les menhirs ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui sont plus des losanges et d'autres des rectangles, etc. Et il y en a, finalement, en les observant, on voit effectivement une grosse différence. Et ils alternent comme ça. Alors, selon les archéologues, ça pourrait être symbole masculin et symbole féminin, et l'un suivant l'autre. Alors ça, c'est assez intéressant aussi, parce que, en fait, bien sûr, à cause du cycle menstruel, le fameux, des femmes, eh bien, elles sont associées à la Lune et l'homme au Soleil. Alors, on estime que l'hypothèse, c'est qu'il pourrait y avoir une révolution à cette période, engendrée par le passage de la chasse à l'agriculture, qui a transformé le culte de la Lune en culte du Soleil. Alors, je m'explique un peu. Lors d'une paléolithique, donc là, les hommes sont chasseurs-cueilleurs, et eh bien là, la lune serait vénérée. Pourquoi? Parce que la lune, c'est aussi la femme, et la lune règle la vie. Elle réglerait la vie à tous les niveaux. On aurait des ethnologues, suite à des études sur des tribus qui vivent encore de la chasse, auraient vu que les chasseurs utilisaient la lune pour aller chasser, parce que beaucoup chassaient la nuit. Et quand on chasse la nuit et qu'on est un homme, il vaut mieux avoir la lune avec soi. D'où l'importance de la lune. Et on estime que peut-être ils chassaient beaucoup durant les périodes de pleine lune, et au contraire, lors des périodes de nouvelle lune, ils se reposaient et sans doute procréaient. Donc, on imagine bien que la Lune était capitale pour l'organisation de la vie et un cycle intéressant. Certains chercheurs estiment que le bouleversement du passage à l'agriculture aurait pu engendrer des conflits entre les sexes. C'est assez, bon, c'était pas détaillé, mais c'est vrai qu'on peut imaginer très bien que autant dans une société de chasseurs, tout est assez, chacun sait ce qu'il a à faire, autant dans une société agriculture, à la limite, bon, même si on peut imaginer que les travaux les plus durs sont réservés aux hommes, il commence à y avoir quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le fait de planter des choux, c'est pas plus une activité masculine que féminine, de toute façon. Donc on ne sait plus vraiment non plus là ce qui convient aux hommes. Aussi un petit détail, c'est qu'au-delà de la propriété de la terre, l'agriculture engendre aussi la propriété tout court, parce que dès que l'homme n'est plus amené à bouger, bah, il se construit une maison, il possède des objets, et voilà. Donc tout est déduit de ça. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, un autre point Oui, sur lequel ils sont pas restés très longtemps, c'est le fait que c'est la nourriture elle-même. Le passage à l'agriculture aurait dégradé la santé des gens. Alors ça aussi c'est assez. C'est vraiment contraire à tout ce qu'on a entendu, hein. Alors oui, la santé déclinerait. Une des raisons, c'est que notamment le manque de sel. Alors je crois que quand on mange de la viande, on a assez de sel, mais quand on mange ce qu'on cultive, on peut en manquer, donc de façon naturelle. Du coup, le sel est devenu une denrée rare et importante. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il Lors de des fouilles dans les tumulus du Morbihan, on a trouvé de telles quantités de richesses qu'on pense qu'il est fort peu probable que une simple agriculture ait pu conduire à de tels amas de richesses. Et donc on pense que le sel qui pouvait être obtenu là-bas, même si je vois pas bien s'ils avaient inventé des marais salants à l'époque, mais enfin l'émission n'en parle pas. Enfin, été exporté dans les régions plus éloignées des côtes. Et donc, aurait donné cette richesse à cette région. Voilà. Bon, c'est assez intéressant tout ça. Maintenant, il me reste encore un petit bout d'émission à voir. Donc, peut-être que si j'ai de nouveaux renseignements, je terminerai ce petit texte.